sur la cassette Ocean Songs, paru chez AB Records en 2015. Juste après. Thank you. C'était Vince Dolphin avec Ultra Water Slow Dance. Alors désolé, le magnéto est un peu pourri, j'ai l'impression. Tout de suite, on écoute Rap, un projet d'un certain T. Bush et G. Gormley, avec le titre Bad Pressure. C'est sorti chez Bonfree Records en 2015. Et j'ai chopé la cassette à Groove Edge Records à Lyon. Et il semble que ce soit, ça fasse partie des cassettes qu'ils aient ramenées de leur tournée DJ en Europe. Chose qu'ils font depuis pas longtemps, mais du coup voilà, ça amène des nouvelles cassettes au magasin. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. Cosmic Cassette. Verbosity. Select tab 1 of 5. Cosmic Cassette. On change d'ambiance avec un titre de Magnétophonique, musicien lyonnais, sorti sur le label Department Tapes, label mexicain de Lomas Verdes, en 2014. Le titre c'est Quiet Village, et c'est sorti sur le split Magnétophonique et Monté. Voilà, ils avaient chacun une face. Et on enchaînera avec des morceaux un peu calmes, un peu tropicaux. Thank you. Magnétophonique avec Quiet Village. Mais tout de suite, c'est Atahualpa Yupanqui. Un morceau que j'avais découvert sur un disque de ma mère. Voilà, Atahualpa Yupanqui, c'est un guitariste argentin. Et ce morceau, c'est Danza de la Paloma Enamorada. Esta es la danza de la paloma enamorada de paisaje tucumano. C'était Atahualpa Yupanqui. Voilà, une cassette que j'ai chopée dans un vide-grenier à la Croix-Rousse. Malheureusement, le titre était écrit sur la face B, mais il n'y figurait pas. Du coup, cette version-là, je l'ai chopée sur YouTube. Et c'est une version où il joue de la guitare, il est plutôt âgé, et c'est pour ça que ça frise un peu les cordes, je pense. Et là, on écoute David Carsten Daniels avec le titre Love 1, je crois, édité chez Carpi Records en 2015. Thank you. il semble que Magneto est vraiment définitivement raide. Donc du coup, je passe sur un autre Magneto, désolé. Et voilà, désolé pour les autres que j'ai laissés sur ce magnétophone. C'est Cosmic Cassette. Daniels. Maintenant, on va écouter Alan Stivell avec de la harpe celtique. C'est paru en 1972 sur le label Fontana, enfin en tout cas la cassette que j'ai trouvée, elle m'a eu sa peau il y a 2 semaines. Thank you. Et on va écouter de la musique guerrière, enfin c'est l'impression qu'elle me fait. C'est des flûtes indiennes. Sur une cassette qui s'appelle Les Incas, bon c'est écrit à la main, je sais pas du tout ce que c'est, il y a que ça de marqué. Cassette que j'ai trouvée aussi d'occasion, je crois toujours dans un vide-grenier de la Croix-Rousse. Voilà, en 2015. Sur le continent américain, sud-américain, et on écoute Barda avec le titre Arroyo. C'est paru en 2015 sur le label argentin de Buenos Aires qui s'appelle Pacapi Records, et c'est sur la compile Industria Tropical. Voilà, une compilation qui se veut passer des musiques entre Indus et Cumbia, quoi, en gros. Voilà, c'est un peu l'esprit. Là, ils ont sorti plusieurs trucs du même acabit, quoi. Des trucs un peu comme ça, entre béton armé et palmito. Thank you. Après, on enchaînera avec Nart Beat, je sais pas comment je vais le prononcer. Ça s'écrit N-CHT puis B-T-T-T-E. C'est un morceau qui est sur le paquet jaune des les compiles Modem, ce label allemand de Francfort, je crois, qui a l'habitude de sortir des compiles. Mais en fait, c'est des compiles 5 morceaux en général sur lesquels en fait il y a 5 cassettes. Et sur chaque cassette, il y a un morceau recto verso. Donc, du coup, ça revient un peu cher à l'achat, j'avoue, mais au final, bon, c'est des cassettes bien pratiques à mixer au final. D'ailleurs, ils font beaucoup de soirées apparemment Modem dans leur ville. Ambiance, bah au final pareil quoi. Béton armé, pas le mytho. C'est vraiment la tendance. cassetes são registradas no computador e enviadas pela internet. Cosmic Cassette, mit einem Rundfunkbänder gemischt. C'était Nachtbitte, je crois que ça se prononce comme ça. Et là, on écoute Matthew Barlow avec le titre Yuragi. C'est paru en 2015 sur le label Rainbow Pyramid, un label venu de Floride. Et la cassette, c'est Off Waves. Donc, ce sera un extrait parce que le temps court. Cette cassette, elle s'écoute de préférence dans la longueur, évidemment. On écoutera Joachim Bannenhorst avec le titre Star Clinic 1, édité chez Santé Loisirs en 2015 sur la cassette Kitakata. Voilà, c'est un projet assez particulier, enfin en tout cas en cassette, j'avais jamais rien entendu de tel. C'est du free jazz à la clarinette. Il n'y a que Santé Loisirs pour sortir des trucs pareils. Thank you. Joachim Badenhorst, chez Santé Loisirs, un label bruxellois. De Cosmic Gem Part A et B, je ne sais plus laquelle c'est du coup, de Weird Dust, qui est sorti en 2014 chez Sea True Records, et il semble que ce soit un label français, si je ne m'abuse, et c'était un split avec Birbon Laylow, voilà, que j'avais chopé au Périscope à Lyon. Dernier morceau et une reprise de Fever. Volonté Discos, c'est un label qui a la particularité de sortir beaucoup de rock psyché, enfin voilà, de shoegaze ou des trucs comme ça, mais aussi de l'électro des fois, enfin ou des trucs qui ressemblent en tout cas avec des synthés et tout, toujours assez psychédélique au final. C'était Full Cosmic Sound, et maintenant on va écouter le dernier morceau de l'émission de Clara Capali qui s'appelle Freaks. qui est paru sur le label Simple Music Experience, sur leur compilation Simple Music Experience volume 1er, je crois en 2015. Et puis on se retrouve donc dans un mois pour un prochain Cosmic Cassette. Escape from the bar.